الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc nous sommes toujours dans le chapitre intitulé « Les causes pour nous prémunir des désobéissances ». Je vous le rappelle, ce chapitre a été écrit par l'éminent savant, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Donc nous sommes arrivés à la 16e cause. Donc la 16e cause évoquée par le savant Ibn Qayyim rahimahullah est le fait de rechercher refuge et secours auprès de celui qui détient tout entre ses mains. Car si le serviteur prend conscience que les cœurs de tous les serviteurs sont entre deux doigts, parmi les doigts du miséricordieux, il les retourne comme il le souhaite, comme cela a été rapporté dans le hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oui, certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il les fait tourner comme il le désire, comme il le veut. Et que toutes choses sont entre ses mains et sous sa gérance, il se précipitera de demander refuge auprès de lui, c'est-à-dire d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'être véridique dans le fait de s'en remettre à lui, pour qu'il l'épargne et le protège du mal de sa propre personne et de sa colère, c'est-à-dire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui le guide sur son droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, « Certes, celui qui s'attache, qui s'accroche fermement à Allah, aura été guidé vers le chemin de la droiture, rectiligne. » Il dit aussi dans le sens du verset, tout en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs, et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance, ceux-là sont les bien guidés. » Et c'est pour cela qu'il a été rapporté dans la sunna authentique de nombreuses invocations qui exhortent sur le fait de s'accrocher fermement à Allah dans toutes les situations. Parmi ces invocations, il y a la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire « Ya Allah, guide-moi vers les meilleurs comportements. Nul ne peut guider vers les meilleurs comportements si ce n'est toi. Et éloigne de moi les mauvais comportements, car nul ne peut les éloigner de moi si ce n'est toi. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit « Le fait de s'accrocher à Allah et de s'en remettre à lui est la base dans la guider, est la base de la guider, et une préparation pour s'éloigner de l'égarement. » Et le moyen qui mène vers le chemin rectiligne. Puis ensuite, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah évoque la 17e cause, qui est le fait de prendre conscience et d'être attentif que la personne a deux points attractifs en soi. Un point attractif dans le bien et un point attractif dans le mal. Qu'en effet, chaque serviteur a en lui deux points attractifs opposés. Un qui le pousse et l'attire vers la compagnie haute et élevée, qui est la compagnie des prophètes véridiques, des martyrs, des vertueux, et quel meilleur compagnon que cela, comme ceci a été évoqué dans le sens du verset, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, « Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel meilleur compagnon que cela. » Et l'autre point attractif l'attire et le pousse vers le niveau le plus bas, comme par exemple l'âme qui pousse au mal, le diable et la mauvaise compagnie. Si le serviteur se laisse aller par le point attractif du bien, il aura réussi et il aura sauvé son âme. Et s'il se laisse aller par le point attractif du mal, il périra, wal'iyadu billah. Après avoir pris conscience de cela, il incombe au musulman qui se veut bon conseiller pour sa propre personne de se réveiller et de s'attacher au point attractif du bien et qui empêche son âme et sa personne d'emprunter le chemin du point attractif du mal et de l'égarement. Car la personne, comme vous le savez, sera ressuscitée avec ceux qu'elle aime. Comme cela a été rapporté dans le hadith reconnu unanimement authentique d'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'individu sera avec ceux qu'il a aimés », c'est-à-dire le jour du jugement. Ensuite, la 18e cause évoquée par l'imam, Rahimahullah ibn Qayyim, est une règle qui est appelée At-tahliyatu qabla at-tahliyati. Et ceci consiste à vider le cœur des souillures du shirk, de la bid'a et des ma'asi, des désobéissances. Et cela est une condition pour obtenir le bien et la baraka, la bénédiction. L'imam, rahimahullah, a donné comme pour ceci un exemple palpable et visuel, en disant que celui qui veut planter une plantation, des plantes, qu'il débute premièrement par purifier la terre de toute saleté et choses néfastes. Après cela, cette terre sera prête pour accueillir toute plante et végétation, en sachant qu'après cela, il devra prendre soin de ces plantes en les protégeant de ceux qui pourraient leur nuire, comme les insectes néfastes qui pourraient les rendre malades et les abîmer. Après ces étapes, ces plantes seront saines et pourront pousser de la meilleure des façons. Et c'est comme ceci que le musulman doit être avec soi-même. Il doit en premier lieu faire l'effort pour purifier son cœur et le débarrasser de tout polythéisme, de tout shirk, de toute bid'a et de toute ma'asi, désobéissance. Ensuite, il devra veiller à la bonne santé de son cœur. Donc il devra entretenir cela pour qu'il ne soit pas altéré par les péchés. Comment? En accourant constamment vers le repentir, en revenant constamment vers le repentir et la demande de pardon, et en délaissant ses péchés pour que sa foi augmente dans son cœur, et pour que la miséricorde, ou les miséricordes et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala descendent dans son cœur. Ensuite, la deuxième, ou la 19e cause évoquée par l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, qui est l'avant-dernière, est qu'Allah a créé les serviteurs pour la vie éternelle, et non pour une vie éphémère, pour une vie de gloire, et non une vie d'humiliation, pour une vie de richesse, et non une vie de pauvreté, pour une vie de sécurité qui n'est pas suivie de peur. Et ceci, bien sûr, au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour le paradis, pas pour cette vie d'ici-bas. Allah dit dans le sens du verset, et ils diront, louange en parlant des gens du paradis. Et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction ou la tristesse. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue et nulle lassitude ne nous touchent. Par contre, Allah subhanahu a éprouvé le serviteur dans cette vie, d'ici-bas, par des plaisirs éphémères et des délices incomplets. Si le serviteur patiente envers cela et s'écarte de ce qu'Allah lui a interdit, il sera rétribué par le véritable bonheur et les délices éternels. Allah dit dans le sens du verset, et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Si le serviteur prend conscience que ce bonheur est éternel et que le plaisir de la désobéissance est éphémère et que cela est une cause de sa privation des hauts degrés, il combattra son âme et résistera pour atteindre ce bonheur sans fin et sans limite. Ensuite, le dernier et le 20e ou la 20e cause évoquée par l'imam Ibn Qayyim rahimallah est le fait de combattre son âme et de se débarrasser des mauvaises habitudes. Donc si le serviteur est éprouvé par une désobéissance, parmi les désobéissances, il se doit de fournir les efforts maximum nécessaires pour rompre avec cette mauvaise habitude. Et la chose la plus utile pour cela, après le fait de demander l'aide d'Allah bien sûr, est le fait de se débarrasser des causes ou des moyens qui nous poussent vers ce péché. Si par exemple le serviteur est poussé vers ce péché sur le PC, ou est poussé vers ce péché par le biais d'une mauvaise compagnie, dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui de s'en débarrasser. Si ce péché est dû aux appareils électroniques, c'est-à-dire qu'il est poussé à faire des péchés dus à ces appareils électroniques récents, comme les téléphones ou ordinateurs, qu'il s'en débarrasse. Et si ce péché se répète dans un endroit en particulier, qu'il sorte de cet endroit et qu'il le quitte. Et la preuve de ceci, est l'histoire de l'homme qui a tué 100 personnes, puis est parti voir un savant, parmi les savants, pour lui demander s'il bénéficiait toujours du repentir, s'il avait accès au repentir, si Allah pouvait le pardonner. Alors le savant lui répondit, oui, et qui pourrait t'en empêcher? Qui pourrait t'empêcher de te repentir, alors qu'Allah accepte les repentirs? Puis il lui ordonna, donc ce savant ordonna à l'homme de se rendre vers une terre où se trouvaient des gens qui adoraient Allah, qui étaient vertueux, afin de faire comme eux. Et il lui dit de ne plus retourner sur sa terre, dans son pays où il résidait, car c'est une terre ou un endroit qui était mauvais pour lui, qui avait un mauvais effet sur lui, un mauvais impact. Ibn Hajar, rahimahullah, dit. Il y a en ceci une preuve, en parlant du hadith, de l'histoire évoquée, il y a en ceci une preuve que celui qui se repent d'un péché doit quitter les situations qu'il a prises comme habitude au moment de la pratique de ses désobéissances et de s'en écarter complètement et entièrement. Ces causes, ikhwa, barakallahu fikoum, pour clôturer, ces causes évoquées par l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, qui sont des causes utiles et profitables doivent être prises en considération par chaque musulman et doivent être mises en pratique. Quand le serviteur ressent que son âme le pousse au faux, au mal, à la désobéissance, n'am, pour que le serviteur obtienne le salut. Donc ces causes sont à mettre en pratique quand l'âme est poussée à faire le mal. Donc cela pour obtenir quoi? Le salut. La préservation et l'élévation dans les deux demeures, c'est-à-dire ici-bas, Allah nous élève ici-bas et dans l'au-delà. Sans oublier bien sûr la multiplication des invocations, car la guidée et la réussite sont entre les mains d'Allah seul, uniquement. Et celui qui demande à Allah, Allah lui donne. Allah dit dans le sens du verset, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront en enfer humiliés. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la pudeur envers son serviteur quand il lui demande, et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'exauce pas ses demandes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui, de lui rendre vide, sans rien. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir, de nous accorder un repentir sincère, de nous pardonner tous nos péchés, de nous guider sur le chemin de la droiture, de nous accorder une bonne fin et d'accepter nos actions durant ce mois béni, Shahru Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.